2. Au printemps, j'arrivais avec mes camarades dans une petite ville des bords de la Loire, une ville ancienne, haut perchée sur un coteau rocheux, entourée de remparts croulants tout en fleurs, de fossés tout blancs de muguets. Par-dessus les murs des jardins, les lilas secouaient leurs panaches. Je respire encore ce parfum, je le respirerai, je crois, dans la fosse où l'on me jettera. Nous entrâmes à midi, le lendemain était jour de fête, et la vieille ville grise, momentanément éveillée de sa torpeur, était animée par une affluence de paysans qui se joignaient à la population pour encombrer le champ de foire et le mail. Comme je passais, portant ma part de tente, le flageolet et le tambour sonnant avec leur gaieté ordinaire devant nos pas fatigués, j'entendis soudain une voix au-dessus de ma tête, une voix de femme, haute et claire. « Qu'il est laid, celui-là » s'écriait-elle en riant. Sa figure à elle seule est une charge. Il ferait mourir de rire les chiens de la rue. « Chut !» dit une autre voix. « Qui sait ? Peut-être entend-il. Il a l'air si fatigué. » La première voix éclata de plus belle. « Bah ! Il est trop laid. Pourquoi Dieu met-il au monde des êtres pareils ?» Et une branche de lilas m'effleura le visage, d'une caresse singulièrement fraîche et suave. Celle qui parlait si haut me l'avait jetée dans sa gaieté moqueuse. Il y avait dessus un petit papillon, couleur de safran, et une abeille dorée. L'abeille s'arrêta sur ma main, l'espace d'une seconde, puis s'envola. Le papillon resta collé aux fleurs. Je levai les yeux. Elle s'appuyait au vieux mur moussu, les branches de lilas s'entrecroisant au-dessus, au-dessous, et tout autour d'elle, ses cheveux d'or brillaient au soleil. Elle avait une grappe de lilas au corsage. Vous la peindrai-je ? Non. Pensez seulement à la femme qui, pour vous, entre toutes celles de son sexe, a représenté l'amour. Ce n'était qu'une fille du peuple, une orpheline qui, simplement vêtue, se reposait de son travail de la journée en regardant les passants par-dessus le mur. Pour moi, elle devint l'univers. Chose étrange, nous voyons des milliers de visages, nous entendons des milliers de voix, nous rencontrons des milliers de femmes, une fleur au corsage, un sourire dans les yeux, et elle ne nous touche pas. Puis il en passe une, qui est pour nous la vie et la mort, et qui joue avec l'une ou l'autre aussi étourdiment qu'un enfant avec ses hochets. Elle n'est ni meilleure ni plus belle que toutes les précédentes, et pourtant sans elle, le monde serait vide pour nous. Je continuai ma marche, tenant la branche de lilas, cette pauvre branche aujourd'hui desséchée. Elle était si brillante alors, si parfumée, si fraîche, sous les baisers du papillon et de l'abeille. Il y a de cela juste 2 ans. Les lilas sont-ils en fleurs, là-bas, je me le demande. Bien sûr, et elle les cueille, et elle les jette à son amant, pourquoi pas. Pensera-t-elle à la branche qui est morte, à la branche qui fleurissait dans la saison dernière? Il y a si longtemps, non, sans doute. Les lilas ne vivent qu'un jour, mais cette journée rapide est moins courte que la mémoire d'une femme. Je ne pourrais dire comment je jouais ce soir-là. Je ne savais ce que je faisais. Tout autour de moi flottait l'odeur des lilas, et dans la foule houleuse, je ne cherchais qu'un seul visage. Il n'y était pas. Quand le spectacle fut terminé, au milieu des applaudissements, je me débarrassai de mes camarades et des braves gens qui nous faisaient accueil pour retourner à cette petite rue escarpée qu'embaumaient les lilas. Ceux-ci avaient perdu leur couleur sous les rayons de la pleine lune, et leurs arômes chargeaient lourdement la brise. Je me promenais de long en large toute la nuit. Au lever du soleil, je demandai à un tailleur de pierre qui se rendait à sa besogne quels gens demeuraient derrière ces murs en ruine. « Personne, me répondit-il, ce sont les murs d'un ancien jardin de couvent où maintenant tout le monde se promène à son gré. » Je ne lui adressai pas d'autres questions. Un étrange silence, une timidité nouvelle, pesait sur moi. Rentré dans la misérable petite auberge où la troupe avait cherché gîte, je regagnai ma mansarde pour contempler et baiser à mon aise la branche de lilas. Il me semblait que ma destinée y fût attachée en quelque sorte. Je l'avais mise dans l'eau et à l'ombre. Mais déjà, elle était flétrie, et le petit papillon jaune était mort. Tout le jour, je m'efforçais de découvrir la femme qu'il avait laissée tomber avec de si dures paroles. Je n'y parvins pas. C'était grande fête. Les rues étaient pleines de monde, ruisselantes de bannières, de banderoles, d'enfants de chœur en robe blanche, de petits chérubins, une couronne printanière au front. Parmi tous ces visages, je ne reconnus pas le visage que je cherchais. Elle devait être là, cependant. Mais, pour une raison ou pour une autre, elle m'échappait. La nuit vint et je remontai sur les planches, toujours poursuivi par son image. « Que cherches-tu donc, Piccinino ?» me demandaient mes camarades. Je me mis à rire en répondant « Une branche de lilas !» Ils crurent à une plaisanterie, car partout dans la ville, les lilas blancs et violets servaient en ce moment d'abri aux petits oiseaux. Je me rappelle bien la pièce que nous jouâmes ce soir-là. J'étais chargé du rôle principal, le rôle d'un savetier de village qui, vieux et infirme, aime une belle et malicieuse fille, passion ridicule et dédaignée qui le met en butte aux railleries de toute la jeunesse du pays. Ce rôle était fort comique, il me convenait à merveille, et j'avais l'habitude de m'en acquitter au milieu des fous rires du public. Cette fois, je l'interprétais dans un esprit tout différent. Les paroles « qu'il est laid » me bourdonnaient aux oreilles jusqu'à m'étourdir. On me fit une bruyante bienvenue, car la pièce était en vogue autant que moi-même. La présomption, l'extravagance amoureuse d'un être sans jeunesse et dénué de grâce ont toujours été un thème favori de dérision pour le public. Tant d'aveuglement et ridicule sans doute, et pourtant sont-ce les plus jeunes et les plus beaux qui sentent le plus vivement. Je compris soudain la situation d'une manière nouvelle. Je ne sais ce qui me possédait. Ce rôle était franchement comique, je le répète, et j'avais toujours été un acteur comique. N'importe, je changeais, et le rôle avec moi. Une impulsion plus forte que ma volonté me fit transformer ce personnage grotesque en un personnage infiniment plus grand, plus noble, plus triste que le pauvre sot qui m'avait plu jusque-là de livrer à l'hilarité du public. Je ne vous expliquerai pas comment cela se fit. Je n'altérais en rien l'action, je ne remplaçais pas un seul mot par un autre, et pourtant le rôle cessa d'être absurde et méprisable. Il devint touchant, digne, presque héroïque. Cet infortuné, disgracié par la nature, n'avait-il pas un cœur susceptible d'amour infini et d'infini désespoir, un cœur plus sincère, plus fidèle et plus désolé qu'aucun de ceux qui battaient autour de lui tout bouillant de jeunesse? Et le monde faisait de lui un jouet, et il était bafoué par la créature même pour qui volontiers il eût souffert mille morts. Y avait-il vraiment de quoi rire? Ce fut ainsi que je compris et que je jouais. La pièce terminée, je regardais les spectateurs pour la première fois de la soirée. J'observais que tous étaient silencieux et haletants. Je m'aperçus avec surprise que moi, le bouffon à leur gage, je les avais fait, non pas rire, mais pleurer. Ils ne s'en rendaient point compte de ce qu'ils éprouvaient. Seulement le lien étrange qui unit l'acteur au public était cause que la douleur vague et profonde qui m'étouffait était passée en eux. « Qu'est-ce qui t'a pris, Piccinino ?» demandèrent mes camarades, se pressant autour de moi. Je recommençai de rire, ma gorge était serrée, mes yeux humides. « C'est la faute de cette branche de lilas !» Ils crurent me croire fou, décidément, je le croyais moi-même. Le directeur vint à moi, me toisa d'un air curieux, puis, frappant sur mon épaule, laissa échapper un juron d'ébahissement. « Tu deviendrais tragédien, que je n'en serais pas surpris !» Mais une autre fois, ne fais pas pleurer toute la salle quand nous annonçons une bouffonnerie. Notre métier est de faire rire, n'oublie plus cela. Je me tus. Comment aurais-je expliqué la révolution qui s'était produite en moi? Cette branche de lilas, mais qui l'eût cru? On ne croit jamais ce qui est vrai. Il se trouva que, malgré les craintes du directeur, le public ne se plaignit pas de l'émotion qu'on lui avait imposée en promettant de le divertir. La pièce lui plut tout autant sous son dernier aspect. On admira en outre la variété de mes moyens. Qui sait, dirent quelques prophètes, en quittant le théâtre, il pourra être célèbre un jour, et aller même à Paris. Lorsque la pièce fut affichée de nouveau, je voulus revenir à l'ancienne manière, mais les gens de la ville exigèrent en chœur que Piccinino donnât une fois de plus la preuve du nouveau talent que le temps ou le hasard avait développé en lui. Nous n'étions pas des artistes de génie pour disposer à notre guise du public, il n'y avait qu'à obéir. Dès mon entrée en scène, je sentis, avant même de l'avoir vue, qu'elle était là. L'éclair de ses yeux d'enfant si doux et si malicieux jaillit sur moi par-dessus la rampe fumeuse. Je bégayais, je trébuchais, le sang m'aveugla. Les camarades qui me donnaient la réplique me soufflèrent, avec aigreur cette fois à l'oreille, « Qu'est-ce qui te prend, Piccinino? Es-tu donc ivre ou malade ?» Ils ne parvinrent pas à rompre l'enchantement qui me maîtrisait. Je restai muet, l'œil fixe. Le public s'irrita, sa faveur était mon pain quotidien. Son courroux pouvait être ma ruine. Je n'en tenais pas compte. La tête dorée qui m'était apparue derrière les lilas rayonnait seule pour moi, effaçant tout son rustique entourage. Soudain, il me sembla que les murmures croissants étaient dominés par une petite voix argentine. « Si laid et si bête à la fois, » disait-elle, avec son insouciante cruauté. « C'est vraiment trop pour un seul. » Ces mots furent suivis de l'éclat de rire mutin qui avait accompagné le don de la branche. Il n'en fallut pas davantage pour me réveiller. Imaginez une épine qui s'enfonce dans une blessure ouverte. Je ne savais pas ce que je faisais, ce que je disais. Le public avait plus que jamais disparu. Mais je jouais pour une seule personne, avec toute l'âme qui était en moi, et on prétendit que je me surpassais moi-même. L'admiration générale devint de la stupeur, presque de l'effroi. Du moins ceci me fut dit depuis, car je ne compris rien, bien entendu, sauf que j'étais rappelé à plusieurs reprises, que les chapeaux, les mouchoirs s'agitaient en mon honneur, que je sortais enfin au milieu d'un rugissement de bravo. L'ovation se serait terminée au cabaret si je n'eusse échappé, avec une sorte de fureur, aux mains qui m'entraînaient pour courir guetter en cachette le passage des femmes. Mais j'arrivais trop tard. Elle était partie et j'ignorais si auprès d'elle j'avais triomphé, si une larme avait noyé ses yeux clairs où se mirait si bien le soleil. Je rentrais donc, le cœur serré, en dépit de mon succès. Un succès de cet ordre-là auprès de gens simples, sans goût et sans jugement, que valait-il? Peut-être m'eût-on sifflé dans les grandes villes. Pour la première fois, mon métier me parut misérable, car je suivais en imagination la radieuse créature jusqu'à sa demeure, et je la voyais dénouer son épaisse chevelure devant le miroir, en riant à la seule pensée qu'un garçon aussi laid, aussi obscur que moi, crût atteindre à la gloire parce que des ouvriers ou des paysans applaudissaient. Comme je regagnais ma demeure dans l'obscurité, son rire éclatait alentour de moi dans le feuillage, dans les fontaines, dans la chanson frémissante des insectes cachés sous l'herbe. Oui, tout cela riait de son rire et répétait avec une moquerie d'autant plus amère qu'elle venait de choses si faibles et si douces. Laid et bête à la fois, pourquoi Dieu met-il au monde des êtres pareils? Pourquoi? Je me le suis demandé, souvent, aussi. Vous voyez que mon histoire n'a rien de neuf. Elle est bien commune, au contraire. J'étais un sot. Ce soir-là, mon directeur me suivit dans la mansarde où je couchais et me dit qu'il augmenterait mes appointements si je voulais rester un mois entier avec lui dans cette petite ville où nous étions populaires et dont les habitants, tanneurs ou vignerons, étaient gens fort à leur aise qui n'auraient garde de manquer le spectacle de toute la saison d'été. Je profitai avidement de son offre, ne connaissant désormais sur la terre qu'une seule route qui valut la peine qu'on y marchât, la route où fleurissaient les lilas. Nous restâmes jusqu'à ce qu'ils fussent fanés, et longtemps auparavant, je connaissais son nom et sa demeure. Son nom, je ne le prononcerai pas, qu'il meure, avec moi. Du premier jour où je la vis, elle fut toujours « elle » dans ma pensée. Son logis était au plus haut d'une vieille maison, au coin de certaines rues sombres et montueuses, tout près du ciel. Le jardin où je l'avais entrevue d'abord était proche, et elle y allait souvent. Elle gagnait son pain en faisant de la dentelle. Combien de fois allais-je épier, assise à la fenêtre treillissée, ses cheveux d'or noués dans un foulard couleur d'or aussi, ses petits doigts rosés courant parmi les bobines, et le coussin inerte pressé contre la tiédeur blancheur de son sein. J'étais, moi, caché dans l'ombre d'un porche en face, bien au-dessous d'elle, et durant tout ce temps, les lilas fleurissaient. Elle en avait une grosse touffe dans certains vases de terre brune écornée sur le rebord de sa fenêtre. Tandis que je l'admirais d'en bas, le vent m'apportait une bouffée de leur parfum. Je me disais alors qu'elle n'eût point jeté une branche de sa fleur favorite si elle m'eût trouvé aussi ridicule et hideux que le prétendaient ses paroles. J'étais craintif, moi qu'on avait vu rarement reculer devant une impertinente entreprise. La conscience que j'avais de mon infériorité à leurs yeux, quant à la figure et à la fortune, m'avait toujours rendu d'autant plus hardi avec les femmes. Et bien que le souvenir de ma mère m'eût conservé moins vicieux qu'on eût pu le croire d'après le genre de vie que je menais, je ne m'étais jamais distingué par de bien délicats scrupules. Mais auprès d'elle, j'étais muet, tremblant, différent de moi-même. Dès le premier instant, elle m'avait imposé comme une créature infiniment belle et sainte, supérieure à moi, comme si elle eût été reine dans un palais, entourée de ses gardes. Au lieu d'être une pauvre fille du peuple, tissant de la dentelle à la lucarne d'un grenier. Elle avait 16 ans, elle était sans famille, sans appui, Voilà tout ce que j'appris. D'ailleurs, je n'osais pas faire beaucoup de questions. Il me semblait que tout le monde dut me voir changer de couleur lorsque je parlais d'elle. Bientôt, elle découvrit mon poste d'observation. Elle souriait de temps à autre avec un regard de côté ou quelques charmants petits gestes à demi encourageants, à demi dédaigneux. Et elle était pudique avec cela. De grand matin, sur le chemin de l'église, elle comptait les graines rouges qui lui servaient de rosaire. Ses longs cils baissés, sans rien voir à droite ni à gauche, tant la prière paraissait l'absorber. « Dieu du ciel, qui donc enseigne ces choses aux femmes ? » Celle-ci n'avait pas encore 17 ans révolus, elle était la fille de braves artisans. Elle n'avait rien vu du monde, sauf cette petite ville paisible, et pourtant, il n'y avait point d'artifice féminin qui lui fût étranger. Personne n'aurait eu là-dessus rien à lui apprendre, pas même celui par qui fut tentée la mère de Caïn, à ce que disent les prêtres. C'est inouï, c'est atroce. Pourtant, je crois qu'elles ne savent pas ce qu'elles font. Elles sont naïvement rusées, cruelles de gaieté de cœur. Elles dévorent qui les aime, d'instinct, comme c'est l'instinct du jeune chat de jouer avec sa souris. D'autres ont dit tout cela mieux que je ne peux le dire, sans doute. Seulement pour chaque homme qui souffre, la souffrance est nouvelle. Et il s'imagine qu'aucune blessure ne fut jamais aussi âpre, aussi profonde que la sienne. Nous restâmes jusqu'à ce que les lilas eussent disparu, et que par-dessus les murs, entre les pignons, dans les jardins qui surplombent la rivière, les roses de l'été se fussent épanouies à leur place. Ma branche était flétrie, presque réduite en poussière, mais elles aussi furent remplacées par la fleur magique d'une suprême félicité. Elle venait souvent au spectacle avec quelqu'un des gens de la ville. Je me persuadais qu'après m'avoir vu jouer, elle me méprisait moins. Loin d'elle, je jouais mal. Aussitôt qu'elle apparaissait, il me venait un feu, une âme, certainement inspirée par elle. S'il était moins inégal, ce serait un talent digne de Paris, disait-on autour de moi. Mon directeur lui-même était de cet avis. N'est-il pas désolant d'avoir son talent, sa force, sa vie, réglé uniquement par la présence ou l'absence d'une créature humaine ? C'était cependant le cas pour moi. Si je pouvais amener la gaieté sur ses lèvres ou allumer une lueur de sympathie dans ses yeux, je devenais momentanément un grand artiste. Sans elle, la salle était vide. J'étais froid et stupide. Je me traînais avec effort jusqu'au bout de la corvée qu'il me fallait accomplir. Mais elle était là, souvent, Dieu merci. Comme tous mes camarades, j'avais droit à une entrée de faveur. Et chaque matin, elle trouvait le billet sur sa petite table, joint parfois à quelques bagatelles dont j'avais prélevé le prix sur ma maigre part de bénéfice. Elle prenait tout ce que j'offrais, et j'étais plus que payé quand elle y répondait par un signe de tête ou un sourire. Il lui arrivait de me refuser l'un et l'autre et de passer près de moi avec un petit frisson d'horreur quand elle n'affectait pas de ne point me voir sur son chemin. Un jour, il avait fait très chaud. Aucune brise ne rafraîchissait l'air embrasé. Le soleil dévorait la vieille rue sombre, l'emplissant d'une teinte ambrée. On voyait les oiseaux en cage ouvrir convulsivement un bec altéré et les œillets rouges des fenêtres se penchaient tristes sur leurs tiges. Et les chiens se traînaient, quêtant un peu d'ombre sous tous les porches en saillie. Le ciel bleu, sans nuages, étincelait entre les toits. Je vois encore frémir les arbres poudreux plaqués sur lui. J'entends le lent murmure de la rivière invisible. Tous les volets étaient clos, personne ne bougeait. La ville entière semblait dormir. Seul, j'étais dehors, moi qui ne sentais ni le froid ni la chaleur, qui ne distinguais pas même s'il faisait jour ou nuit. Mais qui, nuit et jour, errait, les yeux rivés à une étroite fenêtre pour voir les rayons du soleil éclairer cette main de jeune fille, active parmi ses bobines, ou ceux de la lune glisser dans leur pureté sereine sur la fenêtre assombrie derrière laquelle elle dormait. J'étais sortie par cette après-midi brûlante, espérant qu'elle viendrait travailler à sa place accoutumée. Longtemps, j'attendis, me promenant, comme toujours, de l'autre côté de la rue. La fenêtre était vide, les fleurs qui la garnissaient, mes fleurs étaient mortes. J'en avais d'autres à la main. J'attendais qu'elle se montrât pour les déposer, selon mon habitude, sur le banc de pierre devant la porte. Mais au lieu de se pencher vers moi d'en haut, elle descendit la rue, revenant de porter quelques dentelles. Nous nous trouvâmes soudain tout seuls, elle et moi, en face l'un de l'autre, sous ce soleil, dans ce silence. Elle portait une jupe verte, je me le rappelle, et un corsage blanc. Elle abritait ses cheveux qui brillaient sous le petit mouchoir jaune d'une touffe de larges feuilles entrelacées. On eût dit une fleur sortie tout à coup du pavé grisâtre et fendillé. Soit chaleur, soit fatigue, elle était plus pâle qu'à l'ordinaire. Ses yeux étaient plus doux. Il me vint un peu de courage et j'osai lui parler. Je savais que c'était insensé, je savais qu'aucune femme ne pouvait me regarder avec d'autres sentiments qu'un sentiment de dégoût, tout au plus de pitié. Je savais qu'un cœur d'homme pouvait se briser sans que personne s'en souciât si l'homme était fait comme moi. Cependant, je parlais, sans avoir conscience de ce que je disais, sous cette impulsion qui, parfois, au théâtre, m'élevait au-dessus de moi-même. Je n'espérais pas la toucher. Cependant, je parlais. Ce sera fini ensuite, pensais-je. Il le faut. Je dus la prier comme on prie Dieu. Je ne lui demandais pas d'amour, autant demander le soleil lui-même. J'implorais un peu de compassion, un peu de patience. N'était-ce pas un crime, hélas, de la part d'un pauvre diable déshérité tel que moi, de parler d'amour à aucune femme? Quand mon cœur se fut répandu, quand la voix eut expiré sur mes lèvres arides, je frissonnai de terreur. J'attendais son rire charmant, cruel, naïf, impitoyable. Elle garda le silence, puis trembla, pâlit à son tour, et se tut encore. J'écoutai mon cœur battre lourdement dans le silence. C'était tout le bruit de ce moment-là. Soudain, elle me regarda, sa bouche frémit, et bien bas, dans un soupir, « Je suis toute seule, » dit-elle, « toute seule. » Que devais-je penser? La rue ensoleillée, les œillets rouges, le ciel d'un bleu cru, le feuillage altéré, tout tourna autour de moi. C'était impossible. Elle continua de me regarder, rit d'un petit rire léger, et avec l'air de dédain coquet que je lui connaissais, murmura très rapidement à travers ses larmes, « Entendez-vous bien? Vous êtes si laid, si absurde. Vous avez une bouche de grenouille, des yeux de poisson. Mais vous êtes bon, vous savez dire de belles choses. Et je suis toute seule. » Alors je compris ce qu'elle voulait dire. « Ah, Dieu, si j'avais pu mourir quand le ciel s'ouvrait ainsi !» Tout était-il mensonge? Je me le suis souvent demandé. Non, elle était jeune et pauvre, hélas, de sa misérable solitude, au point de pouvoir agréer même un homme tel que moi, s'il l'aimait passionnément, s'il pouvait la délivrer. En tout cas, je ne crus pas à un mensonge. Alors, elle ne m'aima jamais sans doute, mais elle savait que je l'adorais. Et peut-être, pensait-elle, mieux vaut suivre ce pauvre fou à travers le monde que de perdre ma jeunesse à tisser des toiles d'araignée qui ne serviront qu'à parer d'autres femmes. Peut-être aussi avait-elle entendu dire que j'avais du génie, que je pourrais un jour me faire un nom dans quelque grande ville. Peut-être encore ne raisonnait-elle, ne réfléchissait-elle pas, se bornant à sentir, et quelque vague instinct la remuait-il intérieurement lorsqu'elle m'écoutait lui dire que je l'aimais comme jamais femme ne fut aimée. Quoi qu'il en fût, elle pleura un peu, puis sourit doucement, ne sachant pas au juste ce qu'elle voulait, ne prévoyant pas l'avenir. Oui, c'est le plus probable, elle ne mentait pas alors. Je l'épousai. Savez-vous ce que la vie devint pour moi? Un paradis, le paradis d'un fou sans doute, mais qui ne connut ni nuage, ni inquiétude, ni regret, tant qu'il dura. Elle m'aimait, elle l'avait dit, elle l'avait prouvé. Ceci me semblait un miracle. Jour et nuit, j'en remerciais le ciel, car je croyais au ciel désormais. Qui donc, si ce n'était un Dieu, avait pu créer des perfections semblables? Quand je contemplais à la première clarté de l'aube son sommeil paisible, et que je me répétais que cet être divin, pétri d'or, de lait et de rose, était à moi, rien qu'à moi, je croyais rêver, tant était profonde mon extase et l'ivresse de cette possession. Chaque jour, je bénissais les hasards sacrés qui avaient guidé mes pas jusqu'à elle, dans le mois des lilas. Je ne m'étais point séparé de ma chère branche, toute morte qu'elle fût. Je n'aurais pas été plus surpris de la voir refleurir un matin que je ne l'étais de cette floraison de joie et de beauté qui s'était soudain produite dans ma vie. J'ignore si elle comprit jamais bien à quel point je l'aimais. Les pauvres ne peuvent témoigner leur amour par ces symboles des présents que les femmes apprécient plus facilement que tout le reste. On paraît insensible et froid quand on ne prodigue pas à sa bien-aimée tout ce qu'elle désire. Une jeune femme étourdie doit croire que la volonté, plus encore que le pouvoir, nous manque lorsque nous ne suspendons pas des diamants à son cou, et quand non seulement les diamants font défaut, mais que nous ne pouvons approcher de ses lèvres adorées que la nourriture la plus commune, ni offrir à ses membres délicats autre chose qu'une couche rude et grossière. Elle doit se dire qu'un véritable amant saurait bien découvrir, au péril de son corps ou de son âme, un moyen quelconque de lui donner le luxe. Oui, il doit en être ainsi. Et j'étais pauvre. Je ne pouvais changer mon genre de vie du jour au lendemain. Je faisais ce que je pouvais pour atténuer ses privations, mais c'était encore si peu. Ce qu'un homme riche accomplit tous les jours d'un geste, d'un trait de plume, nous autres, nous n'y parvenons que lentement, laborieusement, maladroitement en apparence. L'impossibilité où l'on est d'ajouter le superflu au pain quotidien que l'on gagne à la sueur de son front est taxée de dureté, voire d'avarice. Une femme ne peut croire que nous tenions beaucoup à elle si nous ne rendons possible l'impossible lui-même. Je pris en horreur les habitudes de bohémien qui longtemps m'avaient été chères. L'y exposer, elle si jeune, si frêle et si belle, me semblait odieux. Pour la première fois, je connus l'envie. J'aspirais à lui donner pour abri une de ces blanches villas, un de ces châteaux imposants que nous rencontrions en route. Autrefois, je les avais toujours salués avec plaisir, content en somme qu'il y eût des gens heureux. Maintenant, je me disais, pourquoi n'a-t-elle pas des jardins comme ceux-ci? Pourquoi ses enfants naîtront-ils dans la pauvreté, quand j'en vois là-bas qui sont nés dans le bien-être? Peut-être n'aurais-je pas éprouvé cela si elle eût paru contente de notre médiocrité. Mais elle ne l'était pas. Donnez à une femme un grand amour, elle vous rendra le chagrin en échange. Non que je la blâme, aucun homme ne devrait offrir son cœur sans tenir de l'autre main des idoles d'or et d'argent. Sans or, comment être magicien? On m'a conté que jadis il y eut des hommes qui usèrent leur vie et perdirent la raison à essayer de transformer de vils métaux en or. Sûrement, ils n'y eussent jamais songé si quelque femme aimée n'eût pleuré devant eux pour avoir un hochet qu'ils ne pouvaient payer. À quoi s'était-elle donc attendue? Je n'avais jamais essayé de lui dissimuler les difficultés de ma situation. Elle n'en avait voulu voir que l'extérieur, elle comptait sur plus de variété, de plaisir. Le désappointement vint, et rien de ce que je tentais pour la satisfaire n'atteignit le but. Il y eut, il est vrai, un de ses désirs, un seul, auquel je résistais toujours. Elle prétendit monter sur les planches, elle-même. Quelques-uns de mes camarades lui avaient dit que c'était péché que de cacher un visage tel que le sien dans la coulisse, au lieu de l'exposer au feu de la rampe, à l'enthousiasme du monde. Je lui répondis nettement, violemment même, que j'aimerais mieux la tuer de ma main que de livrer sa beauté à d'impures convoitises. C'était la vérité. Je ne pouvais souffrir seulement que le regard des passants l'effleurât. J'aurais frappé en plein visage mon meilleur ami s'il eût échangé un propos léger avec elle. « Tu es un imbécile, Piccinino, » me dit mon directeur. « Le sort t'a donné en la personne de ta femme une lanterne d'Aladin, et au lieu de t'en servir, tu l'enfouis sous le boisseau. » Il ne me répéta pas deux fois ces paroles. Jamais depuis, nous ne fûmes amis. La vieille intimité n'existait plus entre mes camarades et moi. J'entendis un jour l'un d'eux qui disait à un autre, « Prends garde, ce chien-là grogne à présent et mort aussi, paraît-il. On le faisait enrager impunément dans le temps. Mais aujourd'hui... » Ma jalousie n'avait cependant, je crois, rien de barbare. Seulement, quand un homme est aussi laid que moi, quand il regarde sa femme comme un ange descendu d'en haut et trop parfait pour rester longtemps à ses côtés ici-bas, il ne peut que se révolter contre un regard, un mot qui semblerait abaisser ce don de Dieu au rang d'une chose tout simplement précieuse et rare que le premier venu pourrait désirer ou voler. Il y a des pays où les femmes ne sortent que voilées. Je ne voudrais pas qu'il en fût de même en France. Je ne souhaiterais pas qu'on empêchât la beauté que Dieu a donnée aux femmes pour les délices de nos yeux de rayonner sur les objets environnants. Pourtant, s'il est permis à l'homme de contempler les étoiles avec une émotion respectueuse, il doit lui être défendu d'examiner effrontément ou d'aborder avec familiarité un de ces êtres dont les charmes extérieurs ne doivent être que le reflet de la pureté intime. C'était pour cela que je cherchais à la protéger contre des paroles ou des regards qu'elle eût pu ne point remarquer ou comprendre, et parfois, ne sachant pas pourquoi j'agissais ainsi, il lui arrivait de s'impatienter, de bouder, comme un enfant gâté auquel on résiste. Mais elle savait si bien redevenir gaie et rire et chanter. Non, je ne pus croire qu'elle fût malheureuse. Au milieu de l'hiver, un grand événement survint dans ma vie. Je l'avais toujours rêvé, sans oser jamais croire que je fusse digne de tant d'honneur. tandis que nous étions dans une province du centre, vers l'époque de Noël, le directeur d'un théâtre de genre me vit et prit de moi une opinion assez favorable pour me dire après le spectacle « Vous êtes un vrai comédien. Personne ne vous l'a donc jamais dit que vous errez de la sorte avec une baraque de foire. Venez, je vous ferai connaître à Paris. » J'acceptai l'offre, cela va sans dire, et je courus avertir ma femme. Elle jeta ses bras avec transport autour de mon cou et au milieu de mille caresses. « Je vais donc être heureuse, » répétait-elle, « et voir le monde. » Puis elle entama une série de jolis projets de plaisir et de parures, comme si une grosse fortune me fût tombée des nues. Je ne songeais pas à raisonner avec elle, j'étais triomphant moi-même. Quelle joie, quel orgueil j'éprouvais à cause d'elle, comme j'étais en bon terme avec la création tout entière. Je donnai un souper à mes camarades, j'achetai pour elle des sucreries, une rose de serre et un fil de perles d'ambre, car elle aimait en enfant tous les colifichets. C'était la nuit des rois, toute la ville était en réjouissance. Mais je ne crois pas qu'il y eût sous aucun de ces nombreux toits un groupe plus joyeux que le nôtre. Le vin de Bourgogne était bon, elle était délicieuse avec sa rose d'hiver si rouge sur sa poitrine blanche, et je savais que tous les hommes m'enviaient. Ce fut sans l'ombre d'une crainte ni d'un souci que je portai mon toast à l'avenir. La même semaine, nous arrivâmes à Paris, où j'obtins tout d'abord un succès dans mon humble sphère. Le théâtre n'avait pas grande importance. Il était surtout fréquenté par des étudiants et des artistes. N'importe, c'était un théâtre de Paris, un théâtre fixe, bâti de pierre. Pour moi, qui n'avais jamais joué que sous une toile gonflée par les quatre vents du ciel, le progrès était immense. D'ailleurs, je m'élèverais de là, au premier rang peut-être. La grande affaire était d'avoir le pied posé quelque part et de parvenir à se faire entendre au milieu de la foule et des clameurs d'une capitale. Chaque soir, la salle était pleine. J'avais donc captivé jusqu'à un certain point ce public parisien, difficile, capricieux, insaisissable. Durant une saison, je fis des rêves d'or. Elle était contente aussi. Nous avions une petite chambre blanche et rose, dorée comme une bonbonnière, très haut perchée, sous le toit de zinc, d'une maison à nombreux étages, tout près du théâtre. Cette chambre coûtait fort cher et n'était guère plus grande qu'une coquille de noisette. Mais pour elle, c'était le paradis, parce que, surmontant la cheminée, il y avait un miroir, et en face, dans la rue, un café qui se remplissait toute la journée, et au-dessous, un grand magasin de dentelles et de châles, où les marchands lui permettaient d'aller voir et même toucher les plus précieux tissus pour l'amour de ses beaux yeux. Moi, je pensais souvent, avec un vague regret, à nos mansardes d'autrefois, avec leurs murailles nues, et aux vieilles villes de province où le beffroi sonnait dans l'air tranquille. J'avais toujours vécu un peu à la belle étoile, voyez-vous. Les rues populeuses, l'océan du gaz m'oppressaient. Il me semblait être en prison, et une prison même, aussi belle que l'est Paris, n'était pas mon fait. Cependant, je ne lui laissais jamais voir. C'eût été égoïste. Elle était si contente. Quand je rentrais dans la journée, je la trouvais toujours à la fenêtre, sa tête fine appuyée sur sa main, s'amusant de l'animation du café en face de nous. Il y avait une caserne tout près, de sorte que ce café était sans cesse égayé par les uniformes, par le cliquetis des sabres et des éperons. Les officiers s'attablaient dehors, c'était un gai spectacle. Je dus lui paraître brutal et fantasque le jour que je l'arrachais de sa place favorite pour baisser brusquement la jalousie. Que voulez-vous ? Les regards hardis que ces soldats levaient vers elle m'exaspéraient. Elle se mit à sangloter tout bas en demandant « Qu'ai-je donc fait ?» Je m'agenouillai à ses pieds, j'implorais son pardon, je m'accusais, je maudis le monde qui n'était pas digne qu'elle y jetât les yeux. Alors elle éclata de rire, appuya sa main sur ma bouche pour me faire taire, puis m'échappa et releva la jalousie, riant toujours de faire si bien sa volonté. Les cuirassiers du café voisin riaient aussi. Un pauvre diable laid et jaloux, jaloux de sa femme, est une chose ridicule entre toutes, bien entendu. Ils me croyaient jaloux, ils s'en moquaient, ces beaux garçons insouciants, occupés à boire. Pourtant, leur pensée me faisait tort. Ce n'était pas le sentiment qu'ils supposaient et qui implique le soupçon, car ma confiance était absolue. J'aurais voulu qu'on s'inclinât en sa présence, avec autant de vénération que devant une image de la Vierge. Mais, s'il m'avait semblé prodigieux naguère qu'elle m'eût donné sa beauté, à moi qui en étais indigne, L'idée que, s'étant donnée, elle pût me trahir, m'eût semblé un outrage, dont je ne me rendis jamais coupable envers elle. Et je suis heureux de pouvoir me dire cela maintenant. Heureux d'avoir été dupe, aveugle et fou, s'écriera-t-on peut-être. Bon, ce sont ces moments d'aveuglement et de folie qui sont les meilleurs. Nous ne voyons clair que lorsque nous avons atteint les profondeurs de l'affliction. Le temps s'écoulait, confirmant mes succès et selon ses goûts à elle. Jeune, ignorante de tout comme elle l'était, un petit souper au restaurant, quelques chiffons à la mode, le plaisir seulement de regarder les choses bruire, changer, chatoyer autour d'elle, suffisait à la distraire. En outre, elle avait ce qui est cher à toute personne de son sexe, l'admiration. Elle la rencontrait partout. Les uns la lui criaient dans l'argot des rues, les autres la lui eussent manifestée par des bouquets, des bonbons, des bijoux, si je ne me fusse tenue entre elles et leurs œillades. On me raillait, cela va sans dire, mais je faisais la sourde oreille au quolibet, et quelque mépris envieux qu'inspira sans doute le pauvre comédien possesseur d'un trésor, aucune provocation directe ne vint jamais m'obliger à sortir de ce rôle. Mon seul chagrin était de la laisser si souvent seule. Les répétitions occupaient presque toutes mes journées. Le soir, je jouais. Du moins, j'avais soin de rendre son petit intérieur aussi agréable que possible. Et le quartier était si brillant, si tumultueux, qu'elle prétendait avoir suffisamment de plaisir à suivre, de sa fenêtre fleurie, ce torrent de la vie des rues, qui me semble étourdissant et odieux, mais que les femmes, si rarement poètes et plus rarement artistes, voient d'un autre œil que nous autres. Je me fis nombre d'ennemis en la tenant reléguée à l'écart de tous mes camarades de théâtre. Souvent, depuis, j'ai songé que j'avais été dur et injuste sous ce rapport. Quel droit avais-je de me poser en juge? Les amours de ma pauvre mère n'avaient été bénis par aucun prêtre. Cependant, jamais âme plus douce ni plus tendre ne palpita dans un corps humain. Et parmi les membres même les moins respectables de cette confrérie frivole qui m'avait toujours entourée, n'avais-je pas rencontré à certains moments de la générosité, de l'abnégation, jusqu'à des actes d'héroïsme. Depuis les jours de mon enfance où la grande coquette de notre troupe avait vendu son collier de verroterie pour m'acheter du pain. Ne sont-ce pas des vertus que la patience, le contentement de peu, la bonne humeur, le dévouement à plus malheureux que soi, et faut-il les nier parce qu'il en manque une au nombre? Oui, ce fut de ma part ingratitude et présomption, je m'en aperçus trop tard et j'en ai été puni. Il me faut alléguer pour excuse la crainte presque religieuse que j'éprouvais qu'un souffle profane seulement ne troublât l'atmosphère où s'épanouissait mon lys sans tache. Le printemps revint. C'était absurde peut-être, car je n'avais pas d'argent à perdre, nos dépenses augmentant avec mon gain. Mais je ne cessais de remplir sa chambre de ces lilas qui me semblaient être le symbole de la félicité la plus complète qu'aucun homme eût jamais connue. Je les chérissais jusqu'à la superstition, et quand ils étaient flétris, j'éprouvais à les jeter une sorte de répugnance. Jamais, bien que les allées des jardins publics en fussent jonchées, je n'ai pu fouler un de leurs pétales sans regret.